Y la question dans les théâtres d'Odalisque, à part le thème de la femme kamikaze, qui est le noyau proprement tragique, il y a au fil de la tragédie en plus de la dimension politique du côté anthropologique, ethnique, israélo-palestinien. Il y a un arrière-fond marxiste aussi qui transcende toutes ces polarités et même les sacrifices matriarcales ou patriarcales. Donc, la traduction de Shelley est venue très opportunément dans ses projets, à travers aussi le travail au Salon Oedipe sur Dante et le travail sur le bouddhisme un peu éclectique, un peu syncrétique. De Tuan Huang, où il y a du manichéisme, du bouddhisme, du taoïsme. Donc, du coup, mon fils est arrivé. Il a saisi ma boîte d'encre chinoise, de couleurs chinoises, qui était rangée selon quelque chose que j'avais lu, qui était la classification cardinale, selon les nord, les sud, etc. Dans les mandalas tibétains. J'avais essayé de ranger les couleurs en suivant l'ordre des points cardinaux. Et il s'est amusé à les mélanger et à les désordonner. Tout en faisant l'observation, il a été très, très fin, que malgré que c'était beau, avec ses dragons dorés, à la auréoline, on va savoir. C'était industriel. Je lui ai dit, bon, écoute, en Chine, les choses sont industrielles depuis des milliers d'années. Il me dit, non, tu te trompes depuis à peine 2 centaines d'années, 2 siècles. Et là, on a discuté du fait que ces dragons-là, coloriés à l'or sur chaque pastille d'encre, ça nous ramenait à la réflexion de Marx, de Karl Marx, à un moment donné, sur l'aliénation de l'ouvrier par rapport à la plénitude du travail artisanal. Je lui ai dit, bon, ils sont coloriés par des ouvriers un par un, et c'est pour ça qu'ils sont mal faits, pas parce que les ouvriers soient bêtes, mais parce qu'ils n'ont pas le temps de bien colorier les choses et ils doivent travailler en vitesse. Donc les dragons, forcément, sont mal, ont des défauts. C'est aussi le problème de la copie des antiquités, qui parfois est mal faite exprès pour la signaler en tant que copie. Soit qu'en fait, le travail sur les odalisques, sur les textes du théâtre d'odalisques, qui date déjà de 2002, donc ça fait 10 ans, ça avait été d'abord rédigé en espagnol, et il était question de Shelley et du purgatoire. Et puis Sarah Majdoub, qui a déjà travaillé une première répétition du texte, d'une partie du texte, et dont la participation dans la totalité du projet est pas assurée, mais sur laquelle je compte. En tout cas, ça reste des choses à décider selon des critères extérieurs à cet enregistrement. En tout cas, elle m'a amené à travailler ce matin d'une façon particulière, tout simplement avec un rendez-vous dans la partie la plus arabe, la plus près de l'islam de Paris. Elle me donne rendez-vous dans une rue, d'abord une station de métro, après une station de métro, mais elle devient introuvable, du coup je suis forcé de me promener et de vraiment me reconnaître dans le miroir du musulman. J'ai amené avec moi dans les sacs plusieurs copies de théâtre d'Odalisque. Et de prime abord, je n'avais pas l'intention de m'asseoir dans une terrasse de café parce que je n'avais pas de l'argent. Mais finalement, compte tenu de la complication des messages contradictoires sur la roue, etc., je m'assois dans une terrasse et j'ai fini par mettre un peu d'ordre dans les copies et relire Shelley. Et quant à mon propre texte que je suis forcé de relire pour pouvoir ordonner les pages dans la terrasse, sans un sou, et avec un refus de mon ami de venir me rejoindre et donc de pouvoir payer mon café, je m'aperçois de la facette cérémonieuse qui le texte a en tant que tragédie. Et je vous entrevois qu'en fait la cérémonie tragique du texte, de la lecture, de la lettre, elle est juste une des pièces du jeu d'une autre pièce qui s'appelle Les Nords. Et qui n'est pas une pièce à scénario, n'est pas une pièce théâtrale, mais romanesque et cinématographique, et en même temps picturale, parce qu'il s'agit d'une écriture de peintre. Et ça veut dire qu'en tant qu'écriture de peintre, c'était même une piste sonore et une pièce du Nord. La réflexion sur la ville, sur l'orientation, sur le purgatoire qui est éparpillé dans des textes récents, rentre dans cette question-là. Et les voyages et les accidents successifs de la traduction avec Marie-Agnès Michel de Sodalisque sont pour ainsi dire une pièce de ces jeux d'une nouvelle écriture sonore, picturale, cinématographique.